je veux pas être une star. Je veux juste ramasser. Éviter le star. De la haine, je me tassais. Voir sourire ma mère, voir sourire mon père, ça je le veux. Quand je rentre tard le soir, le lendemain, ils me disent les gars, voyou de la preuve. Mais s'ils savaient, je fais tout ça pour m'en sortir. On connaît tes dossiers, mais continue à mentir. Toutes ces années de galère, faut que je les rentabilise. Un million d'euros, et je me casse en Kabylie. Posé dans ma montagne, deux, trois bis qui tournent. Laisserai la France aux Français quand je l'aurai pénétré par tous les trous. Ramène qui tu veux, on a tous une arme à feu. Et sache que celui qui tire, c'est souvent le malheureux. Si cette femme trop malheureux, mon ami faut la quitter. Surtout ne force pas le destin et demande au bon Dieu de te guider. Mais dis-moi qui était là quand je pleurais dans ma chambre seule sur mon tapis de prière. J'ai appelé Kali en larmes, tu as dit mon frère faut faire des doigts pour ma mère. La vie elle est remplie d'épreuves, si j'étais poisson je me serais pas relevé. Tu peux parler sur moi mais seuls les vrais savent. Je te vois, tu parles pas, y'a quoi? Je dois aller voir le mec là, t'as l'air. Mais attends, t'es fou. Quel mec? Là, mais t'es un fou toi, vas-y pas. Eh vas-y pas. C'est moi, j'y vais pas. Et je fais du bien à ceux qui me veulent du bien. Mais tes frères, en réalité, j'en ai combien? Ce n'est pas par hasard quand une personne croise ton chemin. Aujourd'hui c'est ton pote, mais il te trahira demain. Ils ont changé pour des billets. J'ai pardonné mais j'ai pas oublié. T'as barbé ton pote et tu fais que nier. Pour une paire de fesses t'as rempli le barillet. Prêt à tout pour faire la guerre. Si tu touches ce que j'ai dans mon cœur. J'ai rarement perdu mes repères. J'ai toujours affronté mes peurs. Ils ont changé pour des billets. J'ai pardonné mais j'ai pas oublié. T'as barbé ton pote et tu fais que nier. Pour une paire de fesses t'as rempli le barillet. Prêt à tout pour faire la guerre. Si tu touches ce que j'ai dans mon cœur. J'ai toujours affronté mes peurs. Mon Dieu retiens-moi. Ne pas leur faire une dinguerie. Car il sera trop tard. Quand la balle sera partie. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Je veux pas voir partir tout ce que j'ai. Petite sœur ne sois pas comme ces beurres étrangères. Petit frère la rue ça ne paye pas. Ne fais pas comme moi, fais comme papa. Trop de choses qui se passent dans ma tête. Trop de souvenirs qui reviennent dans ma tête. Petit frère la rue ça ne paye pas. Ne fais pas comme moi. Fuck.